apprivoiser. Et nous nous sommes découverts un amour l'un pour l'autre. Si fort que moi j'ai décidé de vivre à tes côtés. T'as dit oui, que je n'ai jamais aimé avant. Dis-moi comment on s'y prend. Mais si c'est Dieu qui l'a programmé, prends ma main et le tour est joué. Et moi je t'ai dit baby, l'amour de ma vie, c'est simple en vérité. Du premier jusqu'au dernier jour, je garde ton amour. Et nous avons trouvé une vieille maison abandonnée. Nous y avons passé des nuits, nous l'avons décoré. Nous prenions nos cours le jour, nous étions fatigués. Nous n'avions pas espéré l'arrivée du bébé. T'as dit Rocky, je n'ai pas eu d'enfant avant. Dis-moi comment on s'y prend. Mais si c'est Dieu qui l'a programmé, prends ma main et le tour est joué. Et moi je t'ai dit babe, la voix de ma vie, c'est simple en vérité. Du premier jusqu'au dernier jour, gardons-lui notre amour. Nous avons eu bien des problèmes, mais c'était chouette quand même. On voyait notre enfant grandir, nous parler, nous sourire. J'étais fier et satisfait jusqu'à ce jour maudit où l'on m'a appris que demain s'arrêterait ta vie. Tu m'as dit Rocky, je ne suis jamais mort avant. Dis-moi comment on s'y prend. Maintenant on vit à deux, ma petite fille et moi. Et souvent elle me demande pourquoi tu n'es plus là. Pour me changer les idées, je l'emmène promener. Mais parfois je me sens craqué, je t'entends me parler. Tu dis Rocky, toi qui étais tout seul avant, tu sais comment on s'y prend. Abandonné, prends ma main et le tour est joué. Et moi je te dis babe, l'amour de ma vie, c'est simple en vérité. Du premier jusqu'au dernier jour, je garde ton amour. Et moi je te dis babe, l'amour de ma vie, c'est simple en vérité. Du premier jusqu'au dernier jour, je garde.